Chapitre 21. Le chant de harpe de Gunnar. Ce chant ne se trouvait point dans le manuscrit de l'Edda. Il a été découvert en Islande par Gudmund Magnusson en 1780. Le style, les pensées, la langue semblent trahir une origine plus récente que les poésies édiques. On soupçonne qu'un pasteur islandais, très versé dans l'ancienne littérature, Gunnar Paulsson, en est l'auteur. Cependant, un certain nombre d'écrivains défendent encore l'authenticité de ce chant. Et comme le débat n'est pas encore tranché, nous croyons devoir donner ici la traduction du chant de Gunnar. Il arriva que Gunnar, fils de Gjuki, attendait la mort dans la tour de Grabak, le serpent. Les pieds du noble chef étaient libres, mais ses mains étaient attachées par de fortes entraves. On donna une harpe au héros victorieux dans les combats. Il révéla son talent en jouant avec les doigts de ses pieds. Il fit résonner admirablement les cordes de la harpe. Nul ne savait en jouer aussi bien que le roi. Voici le chant que chanta Gunnar. La harpe parla comme une voix humaine. Le chant était aussi doux que celui du cygne, et la tour au serpent résonna au son des cordes d'or. J'ai vu ma sœur malheureusement mariée à celui qui haïssait les Niflungen. Atli invita ses deux beaux-frères, Högni et Gunnar, à une fête, afin de les tuer tous deux. Au lieu de coupes pleines, ils trouvèrent la guerre, et au lieu de festins joyeux, une lutte mortelle. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, ils diront « Jamais on ne vit trahison aussi perfide envers des amis. » Pourquoi, Atli, tant de colère? Brunhild s'est donné la mort, elle-même a peut-être fait périr Sigurd. Est-ce une raison pour faire verser des larmes à Gudrun? Du haut d'un arbre élevé, un corbeau nous avertit de notre perte quand notre beau-frère succomba. Brunhild, la fille de Budli, m'annonça aussi qu'Atli nous trahirait. Glaumvör ne l'ignorait pas non plus, lors de la dernière nuit où nous partageâmes la même couche. Des songes affreux épouvantèrent ma femme. Ne pars pas, Gunnar, Atli est un traître. J'ai vu ta lance rougie de sang et le fils de Gjuki préparer une potence. Les vierges d'Odin, les dises t'appellent. Méfie-toi, ton beau-frère veut te trahir. Kostbera, l'épouse d'Eugni, déchiffra aussi les runes et comprit les avertissements des songes. Mais le cœur des héros était intrépide et aucun des deux ne trembla à l'idée d'une mort terrible. Le terme de notre existence à nous, fils de Gjuki, a été réglé par les Nornes d'après la volonté d'Odin. Personne ne peut résister au destin, ni abandonner du sort, avoir confiance en lui. Je me réjouis, Atli, que tu sois forcé de quitter les anneaux d'or rouge que Raidmar possédait. Depuis que tu as fait couper le cœur de Högni hors de sa poitrine, je sais seul où ils sont cachés. Je me réjouis, Atli, que Högni se soit mis à rire quand vos uns lui arrachèrent le cœur. Le Niflung ne gémit point quand on lui enfonça le couteau dans la poitrine. Il ne remua pas la paupière au milieu de ses atroces souffrances. Je me réjouis, Atli, de ce que tu as perdu sous les coups de nos épées, tant de tes hommes et des plus vaillants, avant d'arriver à ton but. Notre vaillante sœur a tué ton frère. Jamais Gunnar, fils de Gjuki, ne proférera une parole de crainte dans la caverne de Graftvinir, dans le tombeau, et ce n'est pas en hésitant qu'il s'approchera d'Odin, père des armées. Depuis longtemps, le chef est habitué à souffrir. Avant que Gunnar perde sa tranquillité d'âme, Goin, la vipère, m'aura percé le cœur. Nidogr m'aura rongé les reins. Elin et Langbakr m'auront dévoré le foie. Mais Gudrun se vengera cruellement de la trahison qu'Atli a exercée à notre égard. Elle t'apportera, ô roi, les cœurs de tes fils rôtis pour ton festin du soir. Tu boiras ton hydromel mêlé à leur sang dans des coupes faites de leurs crânes. Mais ta douleur sera encore plus amère quand Gudrun te reprochera ta lâcheté et ta cruauté. Ta vie ne durera pas longtemps après notre mort. Ta trahison envers tes beaux-frères te portera malheur. Tu mérites bien que notre sœur, accablée de maux, te fasse payer chèrement ton manque de foi. Gudrun te percera la poitrine d'une lance et Niflung se tiendra à côté d'elle. De grandes flammes entoureront ta demeure et sur Naastrand, le rivage des morts, Nidogr te rongera. Déjà le serpent Grabak s'est endormi, ainsi que Graftvinir, Goin, Moin et Grafvelud, Ofnir et Svafnir, tous gonflés de poison, Nadr et Nidhogr, Ring et Högvard, et toutes les vipères se sont endormies au son de la harpe. Seule la mère d'Atli veille encore. Elle me perce le cœur au fond de la poitrine. Elle me ronge le foie. Elle me dévore les poumons. Elle n'épargne pas la vie du roi. Tais-toi, harpe sonore. Je dois partir pour aller habiter désormais le vaste Valhalla, boire l'hydromel sacré avec les dieux et manger du sanglier Zerimnir au festin d'Odin. Le chant de harpe de Gunnar est terminé. Ma voix vous a charmé pour la dernière fois. À l'avenir, jamais aucun prince ne fera résonner ainsi sous les doigts de ses pieds les cordes de la harpe.